Un peu d'été sur une plage, un peu de mer au fond des yeux, un peu de vin sur les nuages, un peu de sable à tes cheveux, un peu de brume à nos réveils, un peu de gris qui tourne au bleu, un peu de course au grand soleil, un peu de rêve sur nos jeux, un peu d'été sur une plage, un peu de pêche aux coquillages, un peu d'écume à chaque pas, un peu de sel à ton visage, un peu de teint qu'on ne voit pas, un peu de cuivre sur ta peau, un peu d'ivoire entre tes dents, un peu d'amour à demi-mot, un peu de rire à nos 20 ans, un peu d'été sur une plage, un peu de feu sur le rivage, un peu d'amis à l'horizon, un peu de pain que l'on partage, un peu de lune à nos chansons, un peu de vin dans les bouteilles, un peu de laine sur le dos, un peu de brise à fleur d'oreille, un peu de nuit sur ton repos, et ton visage et notre amour. Un peu d'été sur une plage, un peu de mer au fond des yeux.